Tu peux fouiller dedans aussi. Là. Ben oui, non, non, c'est tellement le fun. Sonneur. Ben oui. Tu connais celui-là? Le rêve érotique, comment les interpréter? Non, non. Ça, on en a deux, Marc, si tu connais pas lui. Il y en a, oui, mais il y a celui de... En fais-tu beaucoup de rêves érotiques? Ben, je sais qu'il y a une façon... On m'a dit qu'il y avait une façon de se conditionner par auto-hypnose pour faire des rêves érotiques. Des rêves érotiques? Ouais, ah, ouais, oui, oui, oui. Ah, je pense que c'est 6 ou 8 étapes. Bien longtemps. Moi, on dirait que je rêve plus. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Les premiers flocons tombent sur Montréal. Une pimpante couronne de Noël égaye la fenêtre du salon. Anne n'a pas bien dormi. Sa nuit a été peuplée de rêves obscurs. Dans la bibliothèque en bois verni, elle trouve deux vieux dictionnaires qu'elle tend à Marc. Moi, on dirait que je rêve plus. Tu rêves plus? Je rêve plus, je fais plus de cauchemars, je fais plus de bourrage. Ben, je rêve tu dors plus. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça, ça aide pas, faudrait que je dorme un bout. Ben, essaye de dormir, puis je suis sûr que tu vas rêver. Je sais bien. Parce que t'as trop un imaginaire incroyable. Puis j'en ai beaucoup trop. Ben, j'ai fait un rêve récurrent, moi. T'en faisais-tu des rêves récurrents quand t'étais jeune? Des rêves récurrents, oui. Des rêves qui reviennent tout le temps, puis c'est dans les détails. C'est toujours la même affaire. Moi, c'était un cauchemar, c'est que je rêvais que j'étais dans ma chambre, j'étais couché dans mon lit. Je devais avoir, je sais pas, là, 5 ans, parce qu'on habitait sur Maplewood, l'ancien Édouard Montpetit. Puis il y avait les nuits où je faisais le même cauchemar. J'ai dû le faire à répétition, parce que je m'en souviens encore, puis c'est le seul. C'est qu'il y avait des gros légumes, des gros navets. Des navets, principalement. Des navets, des carottes, puis des pommes de terre qui dansaient. Avec des yeux, là, puis des bouches. Ça faisait peur. Puis des bras, comme ça, qui dansaient ça autour de mon lit. Non. Non. C'était horrible. C'était des navets menaçants. C'était des gros navets. Tiens, un gros navet, c'est pas beau, là. Un navet, c'est pas beau. On a des petits mignons, là. Des petits navets du printemps. Oh, c'est dégueulasse. Ça pousse pas au printemps. Ben non, mais ça a des petites branches comme une araignée morte, là. Puis ça, oui, ça... mais c'est joli, ça a des jolies couleurs. C'est un peu. Cuis correct, là, tu sais, avec un bel aromate, là. Mm. Il était pas menaçant. Ben, il était menaçant, mais d'une façon que je peux pas expliquer, c'est qu'il dansait autour de moi pendant que j'étais couché dans mon lit, puis il me regardait. Puis la carotte, particulièrement, je sais pas pourquoi elle, parce que c'est pas un légume que j'aimais pas. Navet, j'aimais pas ça. Carotte, j'aimais ça. Nat, navet, j'ai pas de navet. Navet, non, je pense qu'elle ne s'est même pas répertoriée ni par Sigmund Freud, ni par Jung. Le navet est pas. Puis là, comment ça finissait? Ben, ça finissait, il dansait, il s'en allait. Non, ben moi, je disais, non, dansait pas. Puis il dansait, puis il me regardait. Il voulait pas s'en aller de ta chambre? Non, il dansait longtemps. Garoché dans le garde-robe. Ben non, il était trop gros. Carotte, en manger, en planter. Ben non, c'est ni un ni l'autre. Non, il en danser, il y en a-tu? Ben non, après ça, c'est carrosse. Tu vois, c'est les dictionnaires. En manger, sont... vous êtes avide à tout point de vue. Impatient et brusque, mais c'est pas toi, ça. Pas moi. En planter, mais c'est pas une affaire de plantage de carrosse. Je regardais patates. Il y avait... Tu peux regarder patates. Toi, t'en avais-tu un rêve récurrent que tu faisais? Moi, j'en ai eu un très le fun, puis un épouvantable. Ouais, ça, un cauchemar. Je rêvais, j'ai rêvé longtemps quand j'étais très petit. En fait, j'habitais à... Écoute, on venait d'arriver à Trois-Rivières. Ça veut dire que j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Mm-hmm. Et je rêvais que la maison était en feu. Et j'entendais des gens râler dans la chambre de mes parents, mais tout était enfumé dans le petit corridor. Mm. Puis là, j'allais frapper, puis je disais, mais je vais vous ouvrir. Puis là, la porte, évidemment, la porte est toujours coincée dans ces moments-là. Puis là, je frappais, mais la porte était brûlante. Puis je me souviens que mes mains étaient brûlées, ça faisait des cloques. Ouais. Puis je fais non. Puis là, j'essayais d'ouvrir la porte, puis c'était du métal, puis ça s'ouvrait pas. Puis j'étais obligée de sortir, puis je voulais pas m'en aller. Puis là, je me réveillais comme ça. Ah ouais. Puis tu vois, j'ai cherché dans ce dictionnaire-là. Ben, ouais, feu, incendie. Poignée de porte. Okay. À court terme, l'entente régnera dans votre vie de couple. Ça commence demain. Mais ça n'a-tu aucun rapport? Célibataire, vous profitez pleinement de votre liberté. À 8 ans, non, mangez donc de la merde. Ouais, ouais. Puis au fil des mois, les brèves aventures vous laisseront de plus en plus insatisfaits. Patience! Un peu plus tard, vous devriez faire une rencontre décisive. Ah bon? Voyons, mes parents sont en train de mourir, c'est bon. Oui, ben, c'est ça. Il faut tuer les parents pour s'ouvrir à l'amour, peut-être. Mais j'ai déjà rêvé à des couleurs tellement vives que ça m'a réveillé. Ça, ah bon? Oui. Mais ça, c'était-tu joyeux? Comment c'était-tu le fun de se réveiller avec des couleurs vives? C'était extraordinaire. Oh, là, un renouveau. C'était comme... quoi les couleurs? Je vais regarder. Ben, je me souviens qu'il devait avoir un... Je pense qu'il y avait un bleu indigo. Il y avait... Les couleurs de l'arc-en-ciel. Ben, c'est ça. Couleurs. Attends, je vais regarder ça, c'est couleurs. Mon côté licorne. Condiments, conserve. Je devais avoir. Condiments, non. J'ai jamais rêvé à des condiments. Se courir. Courir, voler. Voler, j'ai rêvé que je volais, évidemment. Attends, couler, couleuvre. Non, mais j'ai rêvé que je volais. Oui. C'est récurrent chez tout le monde, là, apparemment, là, de rêver au moins une fois dans sa vie qu'on vole. Apparemment, c'est à la fois un rêve vie, un, qui tient déception. Un peu d'érotisme. Non, mais c'est que, apparemment... Ah oui, hein? Oui. Ben, j'avais déjà lu ou entendu quelque part que rêver qu'on volait, c'était comme si on voulait s'échapper de son corps, puis on était face à un dilemme ou un problème. Les rêves érotiques, comment les interpréter? Attends, ça, c'est un dictionnaire. Puis là, quand tu atterris de ton rêve de voler, si tu atterris comme il faut, tu vas régler ton problème. Mais si tu craches solide, faut que tu atterrisses comme la sœur volante, mettons. Faut que tu atterrisses comme le Flying Nun. C'est un rêve qu'ils appellent un rêve lucide ou je sais pas quoi, que c'est un rêve que tu peux contrôler. Tu sais que tu rêves, puis tu sais que tu es dans un état de rêve. Oui. Mais tu dis, je sais que je rêve, fait que j'en profite pour pouvoir rêver ce à quoi j'ai envie de rêver. Je vais regarder les couleurs dans mon livre de rêve érotique. Attends, tu me disais bleu. C'est une déception. Beaucoup de bleu. Ah, déception bleue. Bon, oui, qu'est-ce qu'il y avait sinon? Magenta? Oui, j'avais beaucoup de magenta. Séparation ou abandon? Bon, j'avais du rouge aussi. Attends, rouge, changement de mode de vie, de travail, déménagement. Jaune, qu'est-ce que ça donne? Décision ou incapacité à décider. C'était blanc, blanc, blanc. C'était washy-washy, mon affaire. Sentiment d'inachèvement. Excuse-moi. Il n'y a rien de positif. Je pense que sentiment d'inachèvement. Okay. Le traumatisme peut concerner un dilemme moral ou une relation amoureuse qui a mal tourné. Un week-end ne serait pas un week-end sans la visite impromptue des voisins musiciens Joseph et Troy. Marc et Anne n'ont besoin ni de préambule ni de chardonnay pour se souvenir de Pierre Lalonde. Quand je t'ai vu te balader dans ma rue, j'ai compris que je t'aimerais. Comme une amie, sous le soleil ou la pluie, en me voyant tu m'as souri. Fort que nous, l'amour nous prend dans son remous. Comme on est bien, tu vois la vie nous sourire depuis que tu es dans ma vie. C'est bien qui finit bien. Toujours avenant et soucieux du bien-être de ses proches, Marc aimerait trouver un remède aux insomnies de sa chère Anne. C'est pourquoi il a invité aujourd'hui le docteur Alex Desautels, spécialiste du sommeil. Avez-vous déjà été personnalité de la semaine dans la presse? Hey, non, ça, c'est mon ça, grand c'est un rêve. Hey, on va vous inscrire. Oui. Ouais. Faut pas que ça vienne de vous, faut que nous, on vous inscrive. Oui, il faut que ça vienne, on va le faire. On fait tout ça? On le fait. Oui. Moi, j'ai des problèmes de sommeil, là. Je vous le dis parce que je suis tellement contente de vous rencontrer, puis ça fait longtemps que ça dure. J'ai eu mes enfants, j'ai arrêté de dormir parce que j'avais pas le choix. Et mon corps se souvient plus, mon cerveau se souvient plus, on dirait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dormir? Ça, là, Anne, là, vous venez de résumer c'est quoi l'insomnie psychophysiologique. C'est un gros nom, là, pour dire que les gens ont, exactement comme vous dites, perdu la recette pour dormir. Alors, comment ça se fait, ça? C'est ça votre question? Oui. En fait, je veux tout savoir. Dites-moi tout ce que vous savez. Les gens vont... L'insomnie, comment ça se développe? On pense que c'est des comportements qui sont mauvaisement appris. On se conditionne à ne plus dormir. C'est-à-dire que il y a des événements qui arrivent. Dans votre cas, par exemple, c'est le fait d'avoir des enfants. Donc, ça augmente notre anxiété, ça change nos horaires de sommeil. Et là, on adapte des comportements qui ne vont pas favoriser l'endormissement. Et ces comportements-là vont être conditionnés, si bien qu'après quelques semaines, après quelques mois, ben, on perd la recette pour dormir. Tu sais, dormir, là, c'est pas compliqué, là. On fait juste se déconnecter, puis pouf, le cerveau fait le reste. Mais chez les insomniaques, quand ça dure depuis plusieurs années, ben, ces gens-là vont associer la chambre à coucher, vont associer le lit à une espèce de sentiment de frustration, puis une espèce de sentiment d'anxiété. Puis chez les grands, grands insomniaques, ils arrivent de travailler le soir, puis là, ils commencent déjà à penser, hey, encore une nuit de schnoute, que je ne dormirai pas. Ouais. Et là, l'anxiété monte, puis culmine au moment où ils se couchent. Puis là, ouais, c'est ça, même s'ils sont épuisés, ils ne dorment pas. En fait, si on empêche quelqu'un de dormir, y a plein de choses qui se passent. Il y a eu un record qui a été fait dans les années 50. Un vinyle? Ah, c'est... Un autre sort de record. Okay. Chuck Berry. Où on a empêché quelqu'un de dormir pendant 11 jours, 11 nuits. Après 11 jours, 11 nuits de sommeil, premièrement, on a décidé de ne plus faire ce genre de record-là. Oui. La personne est devenue hallucinée, confuse, avait plus de dextérité manuelle. Alors, et on sait que si on empêche un animal de dormir, un rat, les expériences sont faites chez le rat, eh bien, il meurt. OK? Oui. Il meurt. Donc, au bout de 20 jours, il va mourir avant le temps que ça aurait pris s'il arrête de manger. Okay? Ah, donc, oui. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous voudriez trouver? Comprendre certaines maladies, comprendre le somnambulisme, comprendre, je sais pas, il y a toutes sortes de maladies, il y a toutes sortes de... qu'est-ce qu'il y a? La narcolepsie, ça, c'est les gens qui sont très éveillés, ils sont... Attends, je vous parle, puis je m'endors en 5 minutes. Les narcoleptiques ont deux symptômes spectaculaires. Le premier symptôme, c'est des attaques de sommeil. Tu sais, on a tous eu des attaques de sommeil. Ah, j'ai envie de savoir ça, moi, des attaques de sommeil. Mais plus que cogner des clous, s'endormir. Ouais, ouais. Les gens, on va se parler, là, puis au milieu d'une phrase, ils vont s'endormir. L'attaque de sommeil est si abrupte qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Ils doivent absolument dormir. Est-ce qu'elle est due à un manque de sommeil pendant la nuit? Non. Est-ce que ça n'a rien à voir? C'est dû à... Ils peuvent faire des bonnes nuits puis s'endormir comme ça dans la journée? Ouais. L'autre présentation, c'est la cataplexie. Alors, la cataplexie, c'est une perte de tonus musculaire qui va survenir lorsqu'on ressent une émotion, en général une émotion positive. Par exemple, un chasseur qui s'en va à la chasse puis qui voit dans sa mire une perdrix ou peu importe, au lieu de tirer, ben, il va avoir une faiblesse musculaire. Oui, c'est comme le syndrome de spammer. C'est comme le syndrome, c'est Stendhal qui fait, ou ceux qui se mettent, qui prennent des petites gouttes quand syndrome, c'est. Oui, que j'ai comme, c'est ce ah, que c'est ça. Trop beau, puis il tombe. C'est trop beau, puis il tombe sans connaissance, trop beau. Je me souviens, là, d'une infirmière, je le raconte tout le temps, là. Elle arrive chez Walmart, là. Tu sais, quand on arrive chez Walmart, là, c'est bonjour, bienvenue chez Walmart. Ben oui, trop beau. Et juste de se faire dire ça, elle devient toute molle. Ben voyons, imaginez. Bonjour, c'est bienvenue chez merveilleux. Walmart, devient molle. Ouais. Comment on fait pour régler ça? On y va plus. je bombarde de questions. Mais ça vient d'où, le somnambulisme? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que ça se développe? Le somnambulisme, en fait, c'est un état dissocié. C'est-à-dire que quand on dort, puis quand on est réveillé, notre cerveau n'est pas endormi partout en même temps, puis il n'est pas réveillé partout en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des parties du cerveau dans un épisode de somnambulisme qui sont éveillées, les parties frontales qui sont impliquées dans le mouvement, dans les automatismes. Et les parties postérieures du cerveau qui sont impliquées dans le jugement, dans la conscience, si on veut, sont endormies. Alors, c'est pour ça que les somnambules, ben, ils vont faire des comportements... Tu sais, ils vont se lever de leur lit, ils vont aller dans la cuisine, se faire un sandwich, manger, je sais pas moi, de la margarine, passer l'aspirateur, prendre leur auto. Donc, ils font des comportements vraiment complexes, mais ils ont pas le recul, ou ils ont pas, entre guillemets, dans des gros guillemets, la conscience de ce qu'ils font. Il y a des meurtres qui se sont faits déjà par des gens qui étaient somnambules. Et la grande, grande question, est-ce qu'ils sont responsables? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont fait? Puis les avocats, de plus en plus, utilisent ça. Puis on va en cours pour dire, pas pour dire s'il est coupable ou non, mais pour dire, cette personne-là est somnambule. Est-ce qu'on peut répondre à la question, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils font? Pas vraiment. C'est un des défis du sommeil, en fait, c'est qu'on n'a pas accès au cerveau du dormeur. On n'a pas accès au cerveau du rêveur. T'sais, on peut vraiment bien cartographier toutes les zones du cerveau qui sont actives, dire dans quel stade ils sont, mais on n'aura jamais accès au contenu des rêves. T'sais, pas de façon très claire. Est-ce que pendant le sommeil, le cerveau continue d'être créatif? Oui. Oui. En fait, le cerveau va... Tu sais, vous êtes artistes les deux, là. Vous avez déjà appris plein de textes, là. Puis je suis certain qu'il y a des fois où vous appreniez vos textes puis vous dites, « Hey, là, ça, là, ça rentre pas, ça marche pas, je suis pas capable, j'y arriverai jamais. » Là, vous allez vous coucher. Puis là, le lendemain, vous revenez, puis pow! Ça coule. Mm-hmm. Alors, le cerveau, c'est un des rôles du cerveau, d'ailleurs, et ça se passe principalement dans le sommeil REM, dans le sommeil des rêves. Le cerveau va rejouer les éléments de la journée qui sont importants pour nous. Il y a plein d'études qui ont démontré que des étudiants, par exemple, qui étudient, qui dorment entre l'étude et l'examen, vont avoir de meilleures notes. On apprend à des gens à faire des séquences de piano. Ceux qui ont dormi entre l'évaluation et l'apprentissage vont avoir 40% de plus de succès. Ah, ouais. Donc oui, le sommeil va permettre de consolider des acquis. C'est un des rôles du sommeil, de consolider la mémoire. Puis est-ce que les gens sont plus... Tu sais, il y a plein d'artistes qui ont des idées en sommeil. Paul McCartney avait ça, Billy Joel avait ça. Mais c'est vrai, des fois, on a des flashs, puis on se réveille... Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé, là, de me lever en plein milieu de la nuit, puis je disais, mon Dieu, il faut que j'écris ça, j'ai une idée, mm-hmm. tata. Puis le lendemain, je suis certaine que je m'en serais pas rappelée si... Si vous n'étiez pas réveillée. Si je m'étais pas réveillée. Ben, c'est ça. Si je m'étais pas dit... Ouais. Je dors pas assez profondément, je peux me réveiller comme ça. Ouais. Puis je vais m'en souvenir, mais... En fait, vous touchez un bon point, Anne. C'est pour se souvenir de nos rêves... Il y a des gens qui disent qu'ils rêvent jamais, là, ça se peut pas. Mm-hmm. En fait, il y a une infime portion de la population qui rêve pas, mais 99% des gens rêvent. La raison pour laquelle les gens disent qu'ils ne rêvent pas, c'est qu'ils se réveillent pas. Pour se souvenir d'un rêve, on doit faire une trace dans notre mémoire. Et la façon de faire cette trace-là, c'est de se réveiller tout de suite après le rêve. Mais il y a pas des rêves... Moi, c'est drôle parce que quand je dors, ça m'arrive de rêver, mais je le sais que je dors pas profondément. Puis je peux intervenir dans mon rêve, je peux l'amener où je veux. Puis il y a d'autres fois, je me réveille le matin, puis je suis sûre que j'ai rêvé, mais ça devait être dans un sommeil très, très profond. Ça se peut-tu de rêver dans notre phase de sommeil très profond? En général, le rêve survient dans le stade REM, Rapid Eye Movement, le stade où on a les mouvements extraoculaires, qui survient à toutes les 90 minutes. Donc, on rêve pas seulement une fois dans les nuits, on rêve jusqu'à 5-6 fois par nuit. Mais on sait aussi maintenant qu'on peut rêver dans d'autres stades de sommeil, plus légers ou plus profonds. En général, les rêves sont moins développés. Ah oui? Ouais. Puis vous avez la chance de pouvoir faire des rêves lucides. C'est ça que je comprends, Anne. Vous avez d'intervenir, de diriger les rêves. Plus souvent, quand j'étais petite, je le savais. Puis là, je fais non. Là, ça commence à être trop compliqué. Là, je veux un petit peu de ciel bleu, je veux un petit lac. Puis j'amenais mon rêve là. Le tueur qui me poursuivait, un moment donné, il disparaissait. Il est envolé, parti. Puis moi, je me mettais à voler ou je faisais d'autres choses. Puis tout finissait bien. C'est ça. En fait, vous touchez le point. Mon fils est venu me réveiller il y a 2 jours parce qu'il avait fait un cauchemar. Il dit, papa, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé un gros monstre. J'ai dit, il était comment ton monstre? Il dit, ben, je ne sais pas. Hein? C'était un légume? C'était un navet? Oui. Parce que tu as déjà fait, c'est parce que moi, c'est parce que c'était des légumes qui dansaient autour de mon lit quand j'étais petit. Oui, il y avait des cauchemars. J'ai encore coupé, excusez-moi. je me bats. Fait que là, comment que là, ça s'est... Il décortiquer le rêve. Il était comment ton rêve, ton monstre? Il dit, ben je ne sais pas, je dormais. Mais c'est ça que vous venez de dire. Mais lui, il s'en souvenait. Oui, mais il ne se souvenait pas des détails parce qu'il n'était pas assez réveillé, exactement comme vous. Parce que quand vous dites, je me suis réveillé puis il me semble que j'ai rêvé cette nuit, c'est parce que vous n'êtes pas assez réveillé après le rêve. Mm-hmm. Donc, votre cerveau n'a pas fait la trace dans la mémoire de votre rêve. Mais c'est donc, ça. Ça veut dire que le sommeil profond n'est pas si réparateur que ça si on continue à rêver? Le sommeil profond est un sommeil réparateur. Mais on sait maintenant, en fait, c'était comme une espèce de mythe qui perdurait depuis des années, que le sommeil était exclusivement dédié au sommeil REM, au sommeil des rêves. Mais maintenant, on sait qu'il y a une certaine forme de rêve un peu plus primitive qui survient dans les autres stades. Mais oui, le sommeil profond est un sommeil réparateur. Puis même si on se couche tôt, parce que moi, j'ai souvent entendu ça. Quand tu te couches tôt, le sommeil est plus réparateur que si tu te couches à 2 heures du matin. Ouais, c'est vrai, ça. Le sommeil avant minuit. Ouais. Une heure avant minuit vaut 4 heures pendant la nuit, c'est mon ce que mon Dieu, père disait. C'est bien dit. Mais c'est pas vrai, en fait. Ben non, c'est pas vrai. C'est vrai, parce que... Comment ça se fait? Moi, j'ai l'impression que quand je me couche tôt, je suis moins fatiguée. Là. Ben, c'est parce que vous dormez probablement plus. Vous vous levez plus tard. Mais... Ah, c'est ça. Ça, c'est pas pire aussi. Non, mais c'est vrai. Moi, que je me couche à 9 heures ou à 2 heures du matin, c'est sûr qu'à 5 heures, je suis debout. Vous êtes un type du matin. Oui. Ça, c'est encore vos gènes. Est-ce qu'il y a un cas dont vous êtes particulièrement fier d'une personne que vous avez aidée qui avait un grave, grave problème relié au sommeil? Il y a un cas à qui je pense... Il y en a plusieurs. Il y en a un à qui je pense vraiment souvent, mais c'est pas un cas de sommeil. C'est un cas d'altération de l'état de conscience. Moi, je suis neurologue, puis je vois des gens qui ont des problèmes neurologiques aussi. Et cette personne-là, c'est un jeune qui avait à peu près mon âge quand c'est arrivé. Et il y avait une tumeur dans le cerveau qui récidivait. Donc, on a enlevé la tumeur et il a fait des complications après l'opération. Puis, il est devenu dans un état catatonique. C'est-à-dire qu'il était... Il réagissait plus. On lui parlait, puis on lui disait bonjour, puis c'était bonjour, comme ça. Okay? Il bougeait plus, il parlait plus, il mangeait plus. Puis, à tel point qu'après plusieurs mois comme ça, la famille, ses parents... avait décidé de l'envoyer en soins palliatifs, puis d'arrêter les soins, puis de dire, ben on n'a plus rien à faire, on va. Et moi, je suis arrivé, puis je l'ai vu, puis j'ai constaté ce que je vous ai dit. Puis j'ai dit, ça ressemble à une maladie de Parkinson. Hein, les gens qui ont la maladie de Parkinson, ils ont une espèce de ralentissement de tout. Puis j'ai essayé des médicaments qu'on utilise pour la maladie de Parkinson. Et puis... j'ai essayé une première dose, ça marchait pas. Je le voyais à tous les jours. J'étais de garde. Je suis allé le voir un samedi. Puis là, les infirmières m'appellent. J'étais à l'urgence. Puis ils disaient, hey, viens voir Martin. Il s'appelle pas Martin, là, mais ils disent, viens voir Martin. Puis là, je vais à sa chambre. Toutes les infirmières étaient accolées au mur. Puis tout le monde pleurait. Puis là, je dis... Il avait recommencé à parler. Je dis, Martin, ça va? Il dit, ça va et toi? Oh, mon Dieu, écoutez. OK. Ben voyons! C'est ma plus belle réussite à vie. Mon Dieu, que c'est touchant. Quand j'étais résident, il y avait une jeune fille qui était, tu sais, qui avait une vie normale, qui avait un chum, un travail, bon, elle voulait des enfants. Puis elle avait une tumeur du cerveau qui est une tumeur bénigne, mais qui récidive. Okay? Et là, ça faisait la quatrième opération qu'elle avait ou la troisième opération qu'elle avait. Et la proche, on passe par le nez, on coupe l'os, puis on va chercher la tumeur. Et c'était sa troisième, quatrième opération. Elle était soins intensifs. Ça avait bien été. Et là, elle a éternué. Elle a éternué en se réveillant? Elle a éternué aux soins intensifs après l'opération. Okay. Et les points de suture sont défaits. Ouais. L'air a disséqué jusque dans son cerveau. Ça fait ce qu'on appelle une embolie gazeuse. Et elle était dans un état de locked-in. Un état de locked-in, c'est en français, c'est un syndrome de verrouillage. C'est-à-dire que la personne, elle est complètement consciente, comme vous l'êtes présentement, mais ne peut plus bouger. D'accord, le cauchemar. Ah, okay. T'es emprisonné, c'est ça. Le film Le scaphandre et le papillon, ouais, là, c'est ça. Ah, oui. Elle nous disait ce qu'elle ressentait en clignant des yeux, puis nous, on écrivait. Donc, on avait un tableau avec des lettres, puis elle nous pointait les lettres. Son père était là, je me souviens, c'était le soir. Il y avait l'équipe médicale avec ses parents, puis... quand on écrivait, on écrit une lettre à la fois, puis c'était T-U-E-M-O-I. Mm-hmm. Okay? Wow, c'est terrible. C'est son père qui écrivait sur le carnet. Ah, c'est terrible, voyons donc. Et finalement, elle est allée aux soins palliatifs, puis ça finit bien, parce que la veille qu'on arrête les soins, on est allé dans le parc, en face de l'hôpital, puis elle s'est mariée avec son chum. Mm. Puis elle est morte le lendemain. Ah oui. Mm. Hey, Seigneur, ben oui. Mon Dieu, que c'est touchant. Hey, vous êtes le roi du monde. Personnalité de la semaine. De la l'année. Presse de l'année. On va vous couronner. Oui, moi, c'est... garde mon Dieu, tout de suite touchant. Le formulaire. Mon Dieu, que c'est important magnifique. Ce que vous faites. Oui, c'est important. Mon Dieu, ben c'est oui. Un métier. Ça doit être valorisant. Tu dis, hey, moi, je suis né pour quelque chose. Je vais sauver la planète. C'est tellement un beau métier. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants. Des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur le tour de tes vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Et rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. L'effervescence du temps des fêtes ne freine en rien l'âme sportive de nos deux comparses. Pleins d'enthousiasme, Anne et Marc soumettent leur glotte à un power training en compagnie de Roxane Bacon. Toi, t'as commencé à yodeler à 15 ans, tu disais? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as choisi de yodeler ou t'as entendu ça dans une comédie musicale et t'as fait « Hey, moi, je veux faire ça. C'est trop difficile, je veux le faire. » J'ai entendu yodeler, puis c'était dans un festival à Sainte-Madeleine. OK. Puis c'est quand j'ai vu ça, c'est fait comme « Wow, c'est bien spécial. » C'est quoi que t'as écouté? C'était-tu du western? C'était une chanson western ou c'était du tyrolien? Dans le fond, c'est Manon Bédard qui chantait sur la scène. Ah oui, oui. OK. C'est vraiment à cause de elle que j'ai commencé à savoir puis à yodeler. OK. Est-ce que ça s'apprend facilement? Tu peux-tu me donner un crash course? Comme si là, je te demandais, moi, si j'ai des émotions à yodeler. Aux prochaines fêtes, est-ce que tu pourrais m'aider juste à... Est-ce que tu pourrais nous aider à nous placer là? On commence par quoi dans le yodel? Oui, comment, par quoi on commence? Premièrement, pour yodeler, il faut craquer la voix. Craquer la voix, c'est comme... Ça, c'est craquer la voix. Ben oui. Ça, déjà, c'est pas donné à tout le monde de craquer la voix. Non, mais... c'est gênant de l'essayer. Ben, c'est gênant parce que j'ai peur d'avoir l'air d'une arme de pompier. Imagine, il faut qu'il vous montre, je suis encore plus gênée. Non, t'es bonne. Attends. Faut pas tu y ailles comme... C'est vraiment, ça, j'ai l'air d'une idiote. C'est vrai, faut vraiment pas avoir peur. Faut... Ouais. Ça, c'est le craquement de voix. Ça a tellement l'air facile, mon Dieu. Ben, c'est quasiment ça. Ben, et ça mon Dieu. Un octave c'est en C'est comme manquer le doigt, toi, Marco. C'est quoi déjà? Peux-tu me le refaire? Ah, t'es bon. Non, j'ai yodelé. J'ai craqué une fois. Non, t'es bon. Non, mais... Tu sais... Non. Wow. Non, non, ça a l'air d'un animal qui mais on dirait Julie Andrews, là, dans le petit théâtre des marionnettes. Mais c'est vrai. Dans la mélodie. Ben, c'est presque. Mais oui, je m'arrête au bout de une seconde. Mais ça, c'est parce que t'es pas sûre. C'est faut ça, être hein. sûr. Faut être faut vraiment s'en sortir. Mais tu sais, il y en a qui disent aussi, il faut faire comme il y a du lait, il y a de l'eau. Ah! Mais ça, c'est un bon truc. Oui, c'est ça, c'est prêt. Mais il faut comme fourcher la langue en disant, il y a du lait, il y a de l'eau. Comme, il y a de lait, il y a de l'eau. OK? Il faut vraiment dire, il y a de lait, il y a de l'eau. Mais en craquant la voix, ça fait, il y a de lait, il y a de l'eau, il y a de lait, il y a de l'eau. Ah, tu prends un petit élan. Hey, il y a du lait. Qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Faut pas qu'elle soit trop raide. Non, c'est faut ça. Qu'elle sorte puis qu'elle soit molle. Non, faut pas qu'elle sorte. Faut qu'elle reste à l'intérieur. Elle reste à l'intérieur. Ouais, mais elle est prête à tout. Ouais, c'est ça. Faut pas que t'aies peur. Il faut que ça de gauche à droite ou en bas. C'est en plein ça. Tu fais des wheelies? Tu fais des wheelies. Est-ce que tu fais un U avec ta. Elle est plate la langue ou elle fait comme un petit. Mais là, c'est une petite ostitos. Non, mais oui, comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, que tu peux mettre un canapé. Non, pas faire de non. Faut vraiment. Vraiment, mais pas sans la sortie, mais vraiment à l'intérieur. Ah. OK? Ah, ouais. OK? Sans faire le craquement, on va dire... OK? Pourquoi le outil, ça vient de... Je sais pas, outil, on peut dire n'importe quoi. Moi, je dis ouais, ça doit être allemand, là. Oui, ça doit être allemand, italien. Ça, c'est, ça veut dire crêpe ou en allemand ou gaufre. Je sais pas, moi, je dis outil, on peut dire n'importe quoi. Oui, oui, oui, comme ça. Ben ouais. Mais je t'ai senti abandonné. Ça a duré une demi-seconde. Ça a duré une nanoseconde, mais t'étais vraiment abandonné. T'es parti. J'ai croisé ton œil et j'avais plus confiance en moi. Non. Et j'ai arrêté. Tu devrais pas me regarder. Oh, faut pas regarder quelqu'un. Ah non, faut regarder la table. Faut regarder la table quand tu joues. Droit devant soi ou ses pieds. Moi, j'avais appris avec Il m'a montré à yodeler. Ah, c'est un livre école? Ah, c'est une chanson. Oui, c'est une chanson. Il m'a appris à yodeler. Oui, il m'a montré à yodeler. OK. Peux-tu nous la rappeler, peut-être? Tu sais, comme le verse one, le second verse, le B-flat. Ben, je vais vous faire la petite partie de yodel, là, à cappella. Ah oui, ben oui. Parce que sinon, ça va être trop long. OK, mais je comprends. Mais c'est ça. Il m'a montré à yodeler, yodeler, yodeler, yodeler, yodeler, yodeler, yodeler, yodeler, yodeler. Il m'a montré à yodeler, yodeler, yodeler, yodeler, yodeler, yodeler. Là, je peux aller plus vite aussi. Hein, parce que là, ça, c'est juste. Ah oui, tu peux aller plus vite? Oui. Hey, c'était vraiment fort. Ça n'a pas de sens. Moi, vraiment ça m'impressionne beaucoup. C'est comme vraiment beaucoup. Parce que j'ai entendu tes enregistrements, puis je ne le croyais pas. Je me suis dit, non, ça ne se peut pas. Là. Ça, elle a mis de piton. Non, non, c'est vraiment... Ce fast-forward. Non, c'est vraiment, tu casses bien. C'est une maîtrise, oui. Oui, tu casses vraiment bien. Puis c'est une maîtrise de la langue aussi. Hein. Faut que tu aies la langue agile. Hein. Oui, ça se retourne dans tous les sens. Tu fourches beaucoup. Je fourche. Ah oui, c'est ça. Elle fourche, puis elle casse. Elle fourche, puis elle casse. Elle maîtrise aussi. Elle a de l'eau, puis du lait. Non. Ah non, c'est pas bon, ça, Marc. Non. Je suis désolée. Ça va pas du tout. Ben, la prononciation, c'est bon. Ben, ouais. Ça s'en vient. C'est mieux, là. Ouais, quand même. Non, c'est pas obligé de... Moi, ça a l'air un yodel déprimé. Ouais. Un yodel dépressif. Ça, c'est moi. Ben, faudrait... Non, c'est ça, c'est comme... Fallait que ça soit... Hey, c'est mauvais. Faut aller chercher la voix de tête. Quand tu parles comme ça. Ben oui, quand okay? C'est ça. Puis là, dans ta voix, comme ça, normal. Puis là, en allant... C'est ça. Hey, je vais boire de l'eau. Ouais, c'est pas ça. Bien. Faut prendre beaucoup de liquide. Tu dois boire beaucoup d'eau pour protéger tes cordes vocales, ça, c'est sûr. Moi, c'est quand je bois, là, que ça soit n'importe quoi, moi, je rote. Fait que je peux pas vraiment boire. Ah oui, OK, non, je comprends. Ça, c'était en même temps. En chaud, là. Ouais, bonsoir, tout le monde. Êtes-vous en forme en haut? Mais c'est drôle, mais. Mais voyons que ça n'a aucun sens. Non. Mais... Hey, moi, je peux ça t'est jamais arrivé? Oui. Non. Mais. Quand t'étais petite, c'est un de tes premiers spectacles. Non. T'as raté un yoga. N'importe quand. Des fois, là, j'ai juste comme un petit. C'est souvent quand que j'y odule, puis ça paraît tellement pas, là. C'est camouflage. Ah oui, ben là, ça va paraître. Fois, là, comme un... Arrête, c'est extraordinaire. Je te jure. Des fois, j'ai comme un rot. Là, je suis comme, oh non, faut pas que je rote. Puis là, tu fais un... Mais c'est comme un rot. Non, tu sais, comme un rot d'ail, tu le camoufles, là, de... Tu sais, mais dans yodule, ça... Ah, comme quand tu fais... Ah, ouais, c'est okay. En plein ça. Oh, okay. Mon là, Dieu. Tu yodel en retard, mais ça paraît pas. Même des fois, je suis comme, papa, tu m'as-tu entendu? Il est là, de quoi? J'ai roté quand j'ai yodelé, tu sais. Ben non, t'as pas fait ça, mais je te le dis. C'est pas horrible, cette conversation. Quand on arrête de parler de ça. Merci infiniment, Roxane. T'es vraiment, merci beaucoup. Merci. Puis encore une fois, joyeux Noël. Je vais aller faire les exercices. Joyeux Noël à vous aussi. Ben oui, merci. Comme tous les ans, le mois de décembre ramène son lot d'émotions fortes. On se réjouit à l'idée de revoir ceux qu'on aime et on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour ceux qui ne seront pas avec nous pour Noël. Alexandre, qui adorait son grand-papa, vient prendre un porto avec Marc et Anne. Toi, Alexandre, t'as des enfants? Non. T'as pas d'enfants? Pas d'enfants. OK, fait que t'es un jeune professionnel, comme on dit à l'hémisphère sud... A fucking successful young man qui a son entreprise puis qui je sais pas si c'est fucking successful mais non ça va quand même bien. Ça va bien. Fait que t'as pas d'enfant, t'es marié? Non, je suis pas marié. Ah, t'es vrai? Ça va vraiment bien tes affaires? Conjoint de fait. Ah, voilà. Conjoint de fait, ok, d'accord. On dira ça. On peut-tu faire ce qu'on veut dans la vie? Hey, je suis tanné de la pression-là du mariage. Ben oui, c'est fatigant, ça, ces papiers-là. Bon. Clairement. Fait que toi, donc, tu voyais beaucoup tes grands-parents et t'étais proche de tes grands-parents. Oui, par la force des choses. Oui, définitivement. T'sais, très proche de mes grands-parents, très proche de mon grand-père. OK. J'ai peut-être été plus proche de lui que j'ai pu être proche de mes propres parents d'une certaine façon. Je sais pas, le lien s'est bien fait. T'sais, on avait un lien assez fort et qui, par la force des choses, je pense, est un petit peu plus. Il avait plus de laisser-aller. Tu sais, comme un peu plus. Il n'y avait pas le mandat de t'éduquer. C'est en plein ça. Il y avait le mandat d'être gentil, de donner les gâteries. Tu sais, comme. Donc, tu pouvais te confier à lui, puis tu étais. Oui, tout à fait. Puis un jour, ton grand-père est tombé malade. Oui, absolument. Vous avez su qu'il avait une maladie incurable. Ça s'est su tout de suite. Qu'est-ce qu'il avait? Ça s'est su environ... il y avait quoi? 77 ou 78 ans environ. Maladie pulmonaire, en fait, qui était la fibrose pulmonaire. Mais c'est plus tard. En fait, c'est... Le diagnostic plus intense est tombé justement au niveau d'un cancer du poumon qui s'était manifesté. Et le cancer, jumelé à sa maladie qui était la fibrose, a empêché qu'il y ait un traitement. Mais là, entre le moment où il a appris le diagnostic... Mm-hmm. de cancer et le moment où lui, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est que lui a fait la demande d'aide médicale à mourir. Oui, tout à fait. Combien de temps il s'est passé entre son diagnostic et sa décision personnelle qui n'a quand même pas dû se prendre? Ça a été hyper rapide entre le diagnostic qui est tombé un 14 novembre et la mort, qui est un 18 février, on comprend, il y a trois mois. Là. Donc, ouais. Et ça, les médecins le savaient en partant. Quand ils lui ont donné le diagnostic, ils ont dit « Vous en avez maximum pour trois mois? » Oui. Comment ça s'est passé, excuse-moi? Oui. Est-ce que c'est lui qui avait pensé de son côté, puis c'est lui qui vous en a parlé en premier, ou c'est vous qui... Okay, c'est venu de mon grand-père, et dans un souper où j'avais justement cuisiné pour lui, parce que, bon... Nourriture d'hôpital étant scalée, il était un petit peu lassé. Fait que là, j'ai été souper avec lui, puis on a eu une assez bonne discussion. Puis c'est à ce moment-là qui c'était difficile pour lui quand même de l'exprimer, mais c'est ce qu'il voulait. Puis toi qui étais si proche de ton grand-père, qui l'aimait tant, est-ce que tu as eu le réflexe d'essayer de le convaincre du contraire? Tu sais, parce Absolument. Que des fois, les médecins vont dire des choses, mais ils peuvent... jamais savoir. Chaque humain est différent. Donc, ils peuvent dire, oui, il vous reste trois mois, mais ça se doit aussi des gens qui ont guéri ou qui s'en sont sortis alors que les médecins leur donnaient peu de temps à vivre. Il y a toutes sortes d'histoires. Oui, sauf que on parlait quand même d'un cancer du poumon qui est quand même... Plus son autre maladie. Donc, t'as pas essayé de l'en dissuader, ben, non, fait. Moi, tu sais, comme j'ai... Parce que c'est difficile de laisser partir quelqu'un qu'on aime. Oui, oui, absolument. J'ai cru au diagnostic médical. probablement qu'il voyait pas le printemps. Comment dire, à un moment donné, les traitements... Moi, je donnais des traitements à tous les 4 heures pour empêcher la détresse respiratoire. Mais la détresse respiratoire, j'ai eu de fort nombreux épisodes qui étaient... Et là, tu le vois dans ses yeux, là, il est pas capable de respirer. Là, il a, l'air rentre pas, l'air sort pas, le CO2 sort pas. Et là, seul le médicament donnait le soulagement nécessaire, mais toutes ses capacités physiques étaient réduites à néant, mais ses capacités intellectuelles, mentales... Mais le fait de prendre beaucoup, beaucoup de morphine, à un moment donné, ta tête est plus tout à fait là non plus. Je m'attendais à ça, ouais, absolument. C'était pas son cas. C'était pas son cas, tu sais, on peut pas dire... Il somnolait un peu l'après-midi, là, mais... Mais il avait sa tête quand même, il était pas confus. On joue aux échecs après une injection. Aïe, aïe, aïe. Et il réussit à me battre quand même, là, dans le sens où on avait... OK, oui, c'était une force de nature. Non, c'était... et voilà, mais je peux vous expliquer un peu comment ça s'est passé la journée où la demande avait été faite, la fin de semaine d'avant. Le mardi, on est le 14 février. C'est comme la Saint-Valentin. Mes grands-parents auraient fêté leur 60e anniversaire de mariage. Okay. Ils sont très, très proches. Ils s'aiment. Et là, ben, ça tombe un peu comme ça. Comme la veille ou l'avant-veille, on a un téléphone, le médecin va passer. Personne n'y pense. Est-ce que c'est le médecin traitant? Excuse-moi, je te coupe, mais je veux tout savoir. Est-ce que c'est son médecin traitant? Non, c'est pas le médecin traitant. C'est un médecin qu'il connaissait pas? C'est un médecin qu'il connaît pas, mais c'est le médecin qui fera l'acte médical de l'aide médicale à mourir. Donc, ça va être le médecin qui va lui enlever la vie. Est-ce qu'il vient le visiter avant? Non. Quelquefois? Non, il va le voir juste une fois, puis ça va être pour lui injecter ça? Non, c'est ça. L'a vu le mardi, et là, suivant le protocole, bon, la demande avait été faite. Le premier, une vérification du médecin, donc un autre diagnostic. Au-delà de ça, le médecin a été très, très clair, a expliqué également quels étaient les derniers moments de cette maladie-là, d'autant plus avec les saignements dans les poumons qu'il y avait. La finalité aussi... Balance Hotel, c'est qu'il allait se noyer dans son propre sang. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Et là, le médecin a dit, il veut s'assurer que mon grand-père a toute sa tête et absolument conscient de sa demande. Et lui redemande absolument s'il veut l'aide médicale à mourir. Mon grand-père était très, très clair dans sa demande, très, très lucide. Et là, c'est ça, c'est que tu prends le rendez-vous. Fait que mon grand-père voulait se rendre jusqu'au 25 février. C'était un samedi. Il voulait que tout le plus jeune soit là sans avoir à quitter le travail ou quoi que ce soit. Puis, ben, le médecin, il a dit qu'il y aurait des bonnes chances que ce soit pas possible. Moi-même... Pourquoi? En le traitant, parce qu'il y a des chances qu'il se rendait pas là. Ah, OK. Ouais. Okay. Donc, on était le 14 février. On est le 14 pour 11 jours plus tard. 11 jours plus tard, c'était peut-être trop tard. Tard, dans le sens où... Oh oui. C'est juste que si on veut absolument l'aide médicale à mourir, si quand la journée choisie, si le médecin arrive, puis qu'on me demande, bon, monsieur, est-ce que vous voulez, puis que je ne suis pas en mesure de donner la réponse... Il ne le fera pas. Ben non. Non, mais ça arrive souvent, voyons, des gens qui sont en phase terminale, qui n'ont plus toute leur tête... S'ils l'ont dit 10 jours avant, qu'ils voulaient... Mais si la journée qui a été choisie pour l'acte médical, la personne n'est pas en mesure de répondre... Pas toute sa tête. De façon parce claire, qu'elle souffre trop, net, qu'elle absolument. Est trop médicamentée, ils ne le feront pas. Ils le feront pas. C'est absurde. Parce qu'ils leur demandent une dernière complexe. Fois avant, avant de produire l'acte. Donc, ils demandent au médecin, le médecin dit le 14 février, est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Oui. Mon grand-père voulait se rendre au 25. Le 14, c'était... Le médecin lui a répondu que le 25 était une date qui était peut-être un peu trop loin. OK. Que le 18 a été choisi. OK. Et là, tu sais, justement, c'est un peu spécial parce que c'est comme... dans sa tête, il s'était préparé à... Tu sais, il me reste une semaine. Puis là, c'est paf, c'est 4 jours plus tard. Ouais. Là, c'est quelque chose. Il reste 4 jours à vivre, puis tu le sais. Et là... Ça fait le choc, on s'entend. Le médecin qui était venu, justement, le 14, est revenu le 18... c'est en après-midi, tu sais, parce que tu choisis ta date puis ton heure, là, littéralement, là, à quel moment tu veux que ce soit fait. Puis c'est une injection, donc... T'es... C'est une injection? Mais en fait, il y a trois médicaments qui sont injectés. Le premier est une espèce de relaxant anesthésiant très, très fort qui fait en sorte que c'est un sommeil très, très profond. Mais aux doses qui sont données, le médecin expliquait rapidement que ça pouvait quasiment faire la job d'une certaine façon. Ouais. Par la suite, il n'y a aucune souffrance. Non, il n'y a aucune souffrance. Il tombe endormi littéralement. C'était très spécial parce que quand ça s'est passé, vous tous là? On était tous là. Le médecin était un peu surpris. D'habitude, ça se fait. Non. Là, ça a été. On a fait un dernier. Mon grand-père est un grand amateur de Porto. Il y a eu un dernier toast au Porto avec une belle bouteille qu'il avait mis de côté spécialement un peu pour ça. On a fait un toast. On savait que, tu sais, là, il y a une espèce de tension qui est palpable. Là. Ça s'en vient. Fait un toast, déposé les verres. Le médecin a reformulé la question très précisément. Monsieur, êtes-vous toujours décidé à avoir l'aide médicale à mourir? Et la réponse était oui. Et l'infirmière traitante était venue installer des petits cathéters, là, tout simplement. Et là, ben, c'est les injections. Donc, le premier anesthésien, un deuxième qui est propofol, je crois, qui est très, très fort. Aux doses, c'était d'immenses seringues, là. Sérieusement, j'avais jamais vu des grosses seringues comme ça. Le médicament est en train d'être donné encore et la vie avait quitté le corps de mon grand-père. Tellement, tu sais, ils veulent absolument qu'il n'y ait pas aucune possibilité. Fait que le cœur arrête de battre. Le cœur arrête de battre et il donne un troisième. C'est une espèce de solution sûre, comme quoi, même si le cœur était tellement fort et il voulait recommencer à battre, ben là, il serait pas capable. Mais ça a été donné dans un corps mort. Là, OK. C'est-tu la première fois que tu voyais quelqu'un mourir? Dans ma face, comme ça, absolument. Imaginez-vous, mon grand-père, au début, c'était peut-être dans son lit, mais il y avait un sofa à lui qui était son sofa. Puis j'ai dit au médecin, moi, si je l'installe là, il dit, pas de problème. Fait, il est dans son sofa. Et c'est le toast. Tout le monde est content. Mon grand-père voulait une certaine musique. On met la musique. Fait que, tu sais, il y a une très certaine ambiance. Puis, tu sais, il y a un recueillement de tout le monde. Et là, ben, l'injection commence. Oh, Seigneur. Et là, il nous a envoyé des becs à tout le monde. Donc, il donnait des becs comme ça à tout le monde. Chacun votre tour. Chacun notre tour. Et quand le médicament a fait effet, ben, c'est le dernier bec, c'était sur ma grand-mère. Ah, oh, ben oui. Pour vrai, ben c'était un peu fort. Ben non, mais c'est ça. Puis, et là, tu vois, là, c'est très, très. C'est paisible. Il respirait tout doucement, tout tranquillement, tout tranquillement. Et là, c'est la deuxième injection, c'est le propofol qui a été faite. Et là, ben, à un moment donné, on n'entend plus le son du vent, plus le son de la respiration. Puis c'est ça, en fait. Est-ce que comment je pourrais dire, sans rendre ça anecdotique, mais c'est pas ça que je veux faire. Mais est-ce que toi, tu te souhaiterais une mort comme ça? Est-ce que ça te réconcilie avec la mort d'une certaine façon? Est-ce que tu as moins peur de la mort? Je pense pas que... J'ai jamais vraiment eu peur de la mort en même temps. Je suis jeune, fait que c'est facile. Non, c'est une chose à laquelle tu penses. Ça a dû te faire penser beaucoup pendant un temps. Oui, mais tu sais, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Parce que, tu sais, c'est vraiment pas le fun de perdre quelqu'un, mais c'est parce que on était dans un contexte familial uni où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. On était dans une maison qui appartenait à quelqu'un. On n'était pas dans une chambre anonyme d'hôpital à être comme un peu mal à l'aise. Ça a évité les pires moments. Parce que, justement, la veille, avec toute la famille, on a fait un gros souper. Ça a été un party, là, comme ils aimaient les réceptions, comme ils aimaient faire. Là. On a bu, on a sorti les bonnes bouteilles, ça a joué aux cartes, ça a veillé littéralement. C'est drôle, hein? On t'écoute, puis on a l'impression que c'est pas possible de vivre ça comme ça. Que c'est pas possible qu'il n'y ait rien de serein puis de paisible, joyeux à la limite. Avoir quelqu'un qu'on aime partir, mais c'est que je t'écoute là, puis d'abord c'est extraordinaire comment t'en parles, puis ensuite c'est mais ça souhaitable pas, pour ça enlève pas toute la tristesse. Non, non, évidemment non, mais... pas, mais c'est comme tu peux pas rêver de plus belle façon. Ouais, lui entouré de sa famille, des gens qui aiment, d'avoir un dernier porto qui aime, y choisir le moment avant la grande, pas dire qu'il n'a pas souffert, mais avant les atroces douleurs de l'agonie finale, là, tu fais « Hey, moi, je trouve ça extraordinaire, puis je souhaite ça à tout le monde. » C'est très, très touchant. C'est bouleversant, cette histoire, mais c'est très lumineux aussi. Ouais. C'est très... c'est bien inspirant. En tout cas, merci. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And may time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die. A time to plant, a time to reap. A time to kill, a time to heal. A time to laugh, a time to weep. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything, turn, turn, turn, there is a season, turn. And make time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time for love, a time for hate, a time for peace. I swear it's not too late. C'était le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. En tout temps, vous pouvez écouter ou réécouter cette série en balado-diffusion.